Laitier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Septième épisode. Fables politiques et chimériques où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Le lait s'accumule dans la poitrine douloureuse d'Irina. Sa mère charge Yegor d'aller le vendre au centre de nutrition, mais arrivé sur place, il découvre dans une baignoire le corps sans vie de la directrice. Semyon se fait délivrer un certificat médical expliquant qu'il n'est pas responsable de ses actes la nuit. Dima se prend à goûter au liquide des ampoules mystérieuses. Sa peur s'évanouit comme par miracle. Mais la réalité le rattrape. Deux hommes entrent chez lui pour récupérer la marchandise. Son chat se mêle au combat, des coups de feu éclatent. La bête et l'un des hommes s'écroulent sur le sol de la chambre, tandis que l'autre s'enfuit. Ainsi, les histoires se poursuivent, faisant monter en chacun d'eux une étrange et comme pesante vague d'énergie, au rebours du désir de leur propre corps, qui n'aspire qu'au repos. Kiev, rue Grouchevski, parc Mariinsky. Yegor, cette nuit-là, dans le secteur placé sous sa responsabilité, s'émerveillait de la beauté de la rive gauche de Kiev. On approchait de 5 heures et il avait de plus en plus de mal à rester éveillé. Pour ne pas céder à la fatigue, il se tourna face au vent, les yeux clos. Il demeura ainsi un bref instant, puis marcha vers la rue, le vent dans la figure. Il fit halte en face de l'entrée principale du Parlement quand une sorte de craquement lui parvint. Il s'approcha de la barrière métallique, mais on ne voyait personne. Yegor reprit l'allée en direction de l'entrée latérale, puis revint sur ses pas, pour voir soudain devant le Parlement une silhouette humaine traverser la place en courant. Hé, vous là-bas! Arrêtez! Quand il déboucha à son tour sur la place, il n'y avait plus personne. Mais de nouveau ce son ténu. Oh, merde! Comme le grincement d'une corde de violon. Numéro 4. Numéro 4, quelqu'un vient de passer ici en courant. J'ai l'impression qu'il est parti dans ta direction. Bien reçu, je vois. Yegor retourna sur la place et entendit le même son bizarre. À cette différence près qu'il était à présent beaucoup plus expressif. Il scruta les alentours et son regard s'arrêta sur les marches devant l'entrée du Parlement. Numéro 4, cherche plus. Sur le seuil de la porte reposait un paquet enveloppé d'une couverture. Yegor se pencha. Il prit le paquet dans ses bras, écarta le coin de la couverture et découvrit un petit visage de bébé tout rouge, bouche ouverte et pleurant tout bas, comme si l'enfant comprenait que ses larmes étaient vaines, que personne ne l'entendrait. Numéro 4, cherche plus. C'est encore un gosse qu'on vient d'abandonner. Yegor pensa à la jeune femme enceinte qui venait là chaque jour et avait déjà mis par deux fois ses nerfs et ceux de ses collègues à rude épreuve. Une fois, elle s'était précipitée sans rime ni raison sur un retraité qui promenait son chien. Elle l'avait agonie d'injures en usant de termes si choisis que le vieil homme avait passé ensuite une demi-heure assis sur un banc, la main crispée sur le cœur. Après cela, on l'avait encore entendu se quereller avec un député à la silhouette massive, et un soir, on avait dû la décrocher du muret bordant le belvédère. Elle voulait se jeter dans le vide. Yegor hésita. Il observa plus attentivement la minuscule figure dont chaque millimètre carré de peau exprimait le malheur. Le terme sec et froid de procédure ne s'accordait pas avec ce bébé abandonné. Non. Je sais où l'emmener. Numéro 5, fais pas le con. Je suis sérieux. Alors tu ne m'as parlé de rien et je ne sais rien. Entendu. Allez, viens là. Yegor alla porter l'enfant dans sa voiture. Il mit le moteur en marche, alluma le chauffage et installa l'enfant, toujours enveloppé de la couverture gris-souris, sur le siège passager avant. Il se rendit compte qu'il ne pleurait plus. Il approcha sa paume de la bouche du bébé et sentit aussitôt sur sa peau son haleine toute chaude. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Le lendemain matin, Semyon sentit le sommeil battre en retraite pour laisser le mal de crâne passer à l'offensive. Il avait été en partie réveillé par la lointaine mais insistante sonnerie de son téléphone portable. Semyon passa en revue les appels manqués, 2 masqués reçus pendant la nuit et 3 de Gennady Ilitch. Il se traîna jusqu'à la douche, puis retourna dans sa chambre pour rappeler le député qui lui demanda de le rejoindre à l'hôtel Kiev. Quand Gennady Ilitch entra dans le hall de l'hôtel, il chercha Semyon du regard et d'un signe de tête l'invita à le suivre. Viens, on va se mettre là, on va vous prendre. Et c'est toi ? Café ou dîner ? Café. C'est bien. De toute façon, je dois encore dîner 2 fois aujourd'hui. Dis-moi, tu as déjà entendu parler d'une organisation appelée Ambassade de la Lune ? Pourquoi ? Pour rien. Les députés de l'opposition incitent tout le monde à y adhérer. Une nouvelle idée fédératrice, je crois. Et le coût de l'adhésion n'est pas très élevé. Ça m'intéresse pas. Ils tiennent séance chaque nuit dans des clubs. La moitié du Parlement en fait déjà partie. Moi, je crois pas avoir la santé pour ça. Mais, en fait, c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tu as des gosses ? Non. Mais tu aimerais en avoir ? Ouais. Et ta femme ? Elle aussi, je pense. Je peux vous aider. Une petite fille. Ce sera sûrement une beauté. Elle a quel âge ? Quel âge ? Mais elle a pas d'âge encore. Et il faut déjà l'adopter ? Tu sais comment c'est pour avoir un chien de race. Dans les clubs, on s'inscrit 1 an avant la naissance du chiot. Sa mère ne la gardera pas. Je le sais. Dans ce genre d'affaires, mon vieux, il vaut mieux tout planifier à l'avance. Mais il faudra du lait maternel pour la nourrir. Ça, c'est pas un problème. Du lait maternel, nous en avons dans tout le pays, alors. Je dois en parler à ma femme. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis pas contre. Très bien. Parle-lui et rappelle-moi. D'accord. Kiev, rue Vorosky, appartement numéro 17. Véronica arriva chez Daria Ivanovna en pleurs. Elle pénétra dans le salon sans prendre le temps de se déchausser, ni d'ôter son manteau. Tiens, prends un petit cognac. Moi aussi d'ailleurs, merci. J'ai eu une journée horrible hier. Sébien est rentré en pleine nuit. Je dormais déjà. Il me réveille, il me demande « Tu aimerais avoir un enfant ?» Et il commence à me raconter qu'on pourrait adopter une petite fille, encore bébé, toute jolie. Moi, l'adopter, mais où ça ? D'où vient-elle ? Et là, il devient comme muet. Alors j'insiste. Où est-elle ? Dans une maternité ? Pourquoi ses parents n'en veulent pas ? Et Sémion, toujours rien. Pas un mot. Alors moi, mais comment peux-tu parler de ça, la légère, après ce qui s'est passé il y a 7 ans ? Tu ne m'as jamais rien raconté ? Que s'est-il passé il y a 7 ans ? On a eu un terrible accident. J'ai eu un traumatisme cérébral. Quand j'ai repris conscience, j'ai tout de suite demandé des nouvelles de ma fille. Mais le médecin m'a dit, on ne vous a ramené que tous les deux. Vous et votre mari. Comment s'appelait-elle ? Je me rappelle pas. J'ai tout oublié. Presque tout. Après l'accident, j'avais rendez-vous avec un psychiatre tous les 2 jours. Sémion et lui cherchaient à me prouver que ma fille n'était pas morte, qu'elle n'avait même jamais existé, que nous n'avions jamais eu de fille. Tu as des photos d'elle ? Non, j'ai pas de photos. Et j'en ai jamais eu, je me souviens pas d'une seule. Mais on photographie toujours les nouveau-nés, non? Le psychiatre et Sémione répétaient sans arrêt que je n'avais jamais eu d'enfant. Mais je m'en souviens, moi, pourtant. Sémione a dû cacher les photos ou il les a brûlées. Mais calme-toi. Interroge-le encore une fois, mais calmement. Demande-lui comment une pareille idée lui est venue et de quel bébé il est question. Qu'un homme ait tout à coup envie d'avoir un gosse, ça n'est pas un truc courant. Je dirais même que ce n'est pas normal. Et s'il venait d'apprendre qu'il est atteint d'une maladie incurable et qu'il ait peur à l'idée de te laisser seule? Tu crois? Faut que je rentre à la maison. Borispol, rue du 9 mai. Sur le chemin de la maison, Dima ne put s'empêcher de penser aux Maccabées qui gisaient dans leur chambre à coucher et à l'idée qu'il devait l'annoncer à sa femme. Bon, surtout faut pas que tu t'inquiètes. Pourquoi tu me dis ça? On a un cadavre à la maison. Un cadavre? Je dormais quand deux cambrioleurs se sont introduits chez nous. Hein? Ils se sont mis à me tabasser pour savoir où on cache notre argent. Oh mon Dieu! Tout d'un coup, mon Mourik s'est jeté sur l'un d'eux et lui a planté ses crocs dans la main. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le type a hurlé à son complice de tuer le chat, l'autre a tiré sur Mourik et a touché son pote du même coup. Oh là là! À la poitrine. Mon Dieu! J'ai porté Mourik au garage, mais le mort, je l'ai laissé dans la maison, étendu sur le plancher. Et l'autre homme? Ah, il a pris peur, il s'est sauvé. Oh là là! Voilà. Bon, on y va? Mais il y a un mort chez nous! On va s'en débarrasser. Je l'aurais bien fait tout seul, mais il est trop lourd. Oh là là. En s'y mettant à deux, on aura vite terminé. Oh, d'accord. Allez. Oh, mon Dieu. Allez, rentre, il fait froid. Je vois rien. T'es sûr qu'il y a un mort chez nous? Il est dans la chambre. Reste un moment dans la cuisine, je vais d'abord nettoyer et ensuite tu m'aideras. Peut-être qu'on devrait plutôt appeler la milice. Non, ils nous laisseront plus vivre en paix. Ils se pointeront chez nous tous les jours pour nous interroger. Non. Dima gagna la chambre à coucher. Il épongea le sang qui s'était répandu sur le sol en s'efforçant de ne pas regarder le cadavre étendu à côté. Il sortit ensuite de l'armoire un vieux tapis qu'il étala à côté du mort. Il s'accroupit et entreprit d'enrouler le corps à l'intérieur. Puis Dima conduisit Valia dans la chambre. Regarde, j'ai mis dans le tapis. Non. Si, tu veux m'aider à le transporter dans la voiture. Je connais un immeuble abandonné où il y a un puits. On n'aura qu'à le jeter dedans. Allez. Ah, t'as même pas besoin de regarder. Regarde pas, chérie. Voilà. Je te guide. Ça va? Oui, ça va. Allez. Un, deux, trois. Ça va, chérie? Oui, ça va. Okay. C'est bien, c'est bien. On est presque. Quelqu'un le découvre. Mais si quelqu'un le découvre, au moins il sera enterré humainement. Bon, allez, on le met dans le puits et on oublie toute cette histoire. D'accord? Oui, d'accord. Allez, prends les pieds. Allez, encore un petit effort. Ouais, un petit effort. Bah, c'est fini. On rentre à la maison. Oh non, non. Oh non, je veux pas y retourner. Ah, c'est vrai. Bon, on va aller dans le garage et on rendra visite à Mourik. Valia et Dima s'enfermèrent au fond du local. Je l'ai mis là. Valia ôta les chiffons qui recouvraient Mourik et écarta le bord de la serviette éponge blanche, tout imbibée de sang. Elle se pencha pour examiner le chat de plus près, à la lueur blafarde de l'ampoule qui pendait du plafond. Il est mort. Quoi? Regarde, il respire plus. Oh, chérie. Il s'est vidé de son sang. Valia et Dima restèrent au garage jusqu'au matin, chacun sur un tabouret, tantôt sombrant dans un demi-sommeil, tantôt en émergeant brutalement au risque de tomber par terre. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Yegor aperçut les carrés jaunes que dessinaient les fenêtres de la maison d'Irina, et cela lui réchauffa le cœur. Il hésita un instant sur le seuil, le bébé dans les bras, mais il frappa. Ce fut la mère d'Irina qui lui ouvrit. Elle prit l'enfant dans ses bras pour permettre à son visiteur d'ôter son manteau et ses chaussures, puis ils gagnèrent ensemble la chambre d'Irina. Ils la trouvèrent en train de bercer Yasia contre elle. Qu'est-ce que c'est ? Il a été abandonné aujourd'hui devant le Parlement. Si je l'avais pas trouvé, il serait mort de froid. C'est un gars ou une fille ? Je sais pas. Laisse-moi regarder. Je vais déposer Yasia. Voilà. Fais voir. Oh, viens là. Voilà. Alors, oui, c'est une petite fille. Elle est affamée. Voilà. On peut se parler le temps qu'elle la nourrisse. Ouais. Pourquoi tu l'as ramassée, cette petiote ? Si jamais on la recherche. Et mon Irina, elle va se retrouver toute seule avec deux gamines, c'est ça ? Elle était déjà fille-mère, mais maintenant, pas de mari et de gosse. Mais elle n'est pas fille-mère. Ah oui ? Elle est quoi, alors ? Oh, qu'est-ce que les gens vont dire ? Faut rapporter cette piote à la milice ou à un orphelinat. On y prendra soin, là-bas. On la vêtira et on la nourrira. Yegor ? Oui ? Il n'y avait pas un billet sur elle avec son nom ? Non, je crois pas, non. Alors, on l'appellera Marina. Marina ? Marina. Marina. Regarde comme elle est belle. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Semyon se prépara du café. Il ouvrit le tiroir à couvert. Sur le dessus du casier reposait le journal du défunt pharmacien. Il posa le cahier sur la table et l'ouvrit au hasard aux premières pages. Il se figea, les yeux rivés sur un dessin érotique. La femme de papier regardait droit devant elle, et c'était Alissa. Semyon feuilleta le reste du carnet, elle était partout. À la suite du dernier croquis au crayon, venait une nouvelle page couverte d'une fine écriture de médecin. Chaque paragraphe débutait par une date plus ou moins lisible. 28 février 2000. A est repartie vers 10 heures du soir. Elle ne veut pas se soigner. Elle me demande de la prendre comme elle est. Mais moi, j'ai mal au crâne après toutes ces nuits blanches. Allô ? Semyon. Oui ? C'est Gennady Ilitch. Pourquoi tu m'appelles pas ? J'allais le faire. Tu as parlé avec ta femme ? Oui, elle n'est pas prête. Dommage. Très dommage. Pour la fillette, je n'en parle à personne. D'accord ? Tu l'oublies. Entendu. D'accord, d'accord. Mars 2000. Hier, je crois avoir rencontré un autre homme de la nuit. Vers 1h du matin, j'ai raccompagné A chez elle et suis rentré en prenant un raccourci. J'ai salué un passant qui traversait comme moi une cour d'immeuble et l'homme m'a demandé de l'aider à retrouver sa fille. Nous l'avons cherchée pendant près d'une heure, puis il s'est excusé et est parti. Borispol, rue du 9 mai. Tôt le matin, Valia partit au travail. Restée seule, le regard de Dima tomba sur la dépouille de son mourlot, recouverte de chiffons sales. Il se sentit le cœur atrocement lourd. Il ferma le garage à clé et rentra chez lui. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte. Dima s'immobilisa, l'oreille tendue. On frappa encore, mais sans insistance. Dima resta plusieurs minutes aux aguets. Puis il gagna la cuisine et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Personne. Ni dans la rue, ni dans la cour. Il s'assit à la table et appela le milicien qui lui avait acheté les ampoules. Allô ? Allô, oui ? C'est Dima. Qu'est-ce que tu veux ? Il faut qu'on se rencontre. Il faut qu'on parle. Il t'est rien arrivé ? À moi, non, mais ils ont tué mon chat. Ton chat ? Et qui l'a tué ? Les types que vous m'avez envoyés, vous vous rappelez, à cause des ampoules ? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je t'ai envoyé personne. Quoi ? Et tu n'as jamais eu d'ampoule entre les mains. Tu m'as bien compris ? Non. Bon. Je passe te voir. Dans une heure. Rentrez. T'es tout seul ? Oui, oui, c'est bon. Bonne. Je reste qu'un instant. Faut que je vous dise. Je veux rien savoir. Plus personne ne recherche les ampoules. On m'a donné l'ordre de les oublier. Et toi aussi, oublie-les. Le président s'apprête à dissoudre le Parlement. N'en parle à personne pour l'instant. Ça va être un bordel terrible dans le pays. Notre ministre est devenu complètement cinglé. Bon, maintenant je file. Et toi, tu ne me connais pas. Mais d'accord ? Tu m'as jamais vu, compris ? Et mon chat ? Je m'en fous de ton chat. C'est ton problème. Le milicien sortit aussitôt. Dima referma la porte derrière lui et tira le verrou. Il réfléchit à son chat, au fait qu'il conviendrait de l'enterrer quelque part. Plus tard, il s'enfonçait dans les profondeurs du cimetière de Baïkovo, loin du monde des vivants, un sac de voyage au bras. Le sac contenait le corps du défunt Mourik et une pelle. Au bout d'un moment, les yeux de Dima se posèrent sur un buste de général de l'Union soviétique. Il considéra la tombe voisine. Là aussi reposait un général. Dima posa son sac par terre. Il leva la tête, observa un instant le ciel. Celui-ci était d'un bleu limpide, pas un nuage. Puis il commença à creuser une fosse entre les deux tombes de généraux. La terre céda facilement au fer tranchant de la pelle. Dima y déposa Mourik, combla ensuite la tombe du chat et du dos de la pelle forma un petit monticule par-dessus. Après quoi il s'assit sur un banc, au pied du buste du général, et promena ici et là un regard rêveur et apaisé. Il n'avait aucune envie de quitter le silence envoûtant de ce cimetière. Le soleil chauffait comme au printemps. Dima abaissa la fermeture éclair de son blouson et renversa la tête en arrière. C'était « L'étier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs. Et Clara Noël, Émeric Le Serre, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Robinson Stévenin, Emeline Bayard, Luce Mouchel, Florent Schepp, Bruno Abraham Kremer, Marie Daude, Dominique Parent, Ariane Blaise, Damien Le Délésir, Farid Bouznad, Christine Braconnier, Pierre Carbonnier, Sylvain Gauthier et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière.